Merci aussi au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Lecture, Sarah Chaumette et Éric Herson-Macarel. Documentation, Antoine Vuilloz. Prise de son, Yves Lehorse, Christophe Papon et Julie Garraud. Mixage, Éric Boisset. Écrire après la peste, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Anne Pérez.